de Retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Sur Terre, les précipitations peuvent se présenter sous différentes formes selon les conditions atmosphériques et la température. Au gré des saisons, on peut les observer sous formes diverses, pluie, neige, verglas, grésil, brume. Mais qu'en est-il des neiges et des glaces sur les autres planètes, ailleurs sur le système solaire? Alors, pour nous en parler, on a au bout du fil Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, avant de nous parler de ce qui se passe sur les autres planètes, commençons par comprendre ce qui se passe sur la nôtre. Alors, quand on parle de neige et de glace, de quoi parle-t-on? En fait, c'est le changement d'une des molécules très importantes pour nous, c'est l'eau. Qui, dans les conditions terrestres, peut passer dans ce qu'on appelle différentes phases. La phase solide, c'est de la glace et aussi de la neige et du grésil. La phase liquide, qui est l'eau, et une phase aussi de vapeur, qui est la vapeur d'eau. Donc, en gros, pratiquement à toutes les températures qu'on retrouve sur Terre, là, en gros, disons, en allant de moins 90, les températures extrêmes de l'Antarctique, et plus 50 là, qu'on peut avoir dans les régions les plus chaudes terrestres, l'eau peut se retrouver dans différentes phases et qui seront déterminées surtout par la température. Mais c'est plus complexe que ça parce que on le voit, parfois il fait moins que 0 degré et il pleut. Effectivement. Et aussi, même quand il fait froid, il va y avoir un certain niveau de vapeur d'eau dans l'atmosphère et qui parfois on verra se condenser sous de petits flocons tout fins, même en plein soleil dans des conditions spéciales. Donc, ce sont des équilibres assez complexes qui varient avec la température et tout. Et l'eau appartient en fait à ces molécules. Il y en a quelques autres basées sur les éléments les plus abondants dans l'univers. Dans le cas de l'eau, c'est l'hydrogène et l'oxygène, mais on connaît aussi le CO2, qui est le gaz carbonique, qui est du carbone et de l'oxygène. On connaît aussi une autre molécule, je les mentionne parce qu'on les retrouve aussi en assez grande abondance dans certaines portions du système solaire. Donc, deux autres importantes, le méthane, dont on entend parler sur Terre et qui est sous forme gazeuse ou sous forme liquide sous pression quand vous l'utilisez sous des formes proches du propane et du gaz naturel. Et il y a aussi l'ammoniac qui est un composé formé d'azote et d'hydrogène. L'hydrogène est toujours un peu là ou l'oxygène ou le carbone. Ce sont des éléments qui sont très abondants dans l'univers. Donc, ces éléments vont dominer sur une planète pour toutes sortes de conditions reliées à l'évolution, en fait, de cette planète au cours des derniers milliards d'années. Sur la Terre, pourquoi, finalement, est-ce qu'il ne pleut pas du CO2, par exemple? Parce que le CO2 sur Terre, parce qu'il fait trop chaud, en gros. Okay. Et le CO2, pour être sous forme solide, et on l'a dans de la neige carbonique, par exemple, c'est utilisé quand on le met sous pression. On peut avoir de la glace qu'on peut utiliser, mais il faut la produire avec un régime à très haute pression. Et la neige carbonique, si vous, jamais vous en avez, certains parmi vous dans les auditeurs ont sûrement eu à manipuler la neige carbonique pour refroidir des instruments ou pour autre usage, et elle va tout simplement passer de l'état solide à l'état vapeur. Elle va tout simplement se sublimer. Elle ne sera pas sous forme liquide. Et le CO2 est important parce que il y en a assez peu sur Terre, quoiqu'il a un effet assez dramatique dans notre atmosphère. Oui, il y en a beaucoup sur Vénus. L'atmosphère de Vénus est dominée par le CO2. C'est une atmosphère dont la masse totale est peut-être une centaine de fois la masse de celle de la Terre. Donc, il y a deux choses pour avoir du CO2 qu'il faut avoir. Il faut soit qu'il fasse très, très chaud. Dans le cas de Vénus, il a fait très chaud, ce qui a produit l'évaporation et l'élimination de l'eau dans l'atmosphère de Vénus au cours des âges et une dominance totale par le CO2. Et il y a des raisons géologiques complexes qui ont fait que cette atmosphère-là est très particulière et qui cause justement un effet de serre extraordinaire. Parce que Vénus est intéressant parce qu'elle est à peu près semblable à la Terre en taille. Elle est un petit peu plus proche du Soleil. Elle est à peu près à 80% de la distance Terre-Soleil. Mais sa température de surface est de l'ordre de plus de 450 degrés Celsius. Le plomb y fond. Et c'est dû à l'effet de serre. C'est dû finalement à une teneur qui est pratiquement presque à 100% de CO2. Mais si on regarde Mars, notre autre petite voisine qui est un peu plus loin, elle est plus petite, il fait froid. Et elle, c'est le contraire, c'est une atmosphère qui est aussi dominée par le CO2, mais l'atmosphère est extrêmement ténue. Mars ne réussit pas à garder autant ses gaz à cause de sa faible gravité. Et là, comme nous, sur Terre, on a un cycle dominé par l'eau, Mars a aussi un cycle météorologique assez faible, mais qui va produire, en fait, lorsque le CO2 refroidit, il va en quelque sorte se condenser, tout d'un coup, va faire l'inverse de la sublimation, il va former de la neige, il va former des glaces. Donc, ce qui va être responsable des calottes polaires sur Mars, qui sont dominées par le CO2 solide. Donc, ces calottes-là sont assez importantes, peuvent avoir quelques kilomètres d'épaisseur, en fait. Mais elles disparaissent à chaque été et se reforment à chaque hiver. Rappelez-vous, les saisons sont un petit peu semblables à celles de la Terre, mais l'année martienne a à peu près deux ans plutôt qu'une année. Vous disiez effectivement que des planètes qui ont différentes atmosphères. Est-ce que la gravité puis aussi la distance au Soleil qui varie quand même énormément d'une planète à l'autre, est-ce que ces deux facteurs-là ont un effet sur la composition atmosphérique d'une planète? Oui, parce que l'effet, c'est une combinaison des deux. Ce que la température signifie, c'est la vitesse moyenne des molécules. Oui. Donc, plus vous chauffez, plus la vitesse est élevée. Donc, si vous voulez maintenir une atmosphère d'un composé donné, vous devez vous assurer que la température n'est pas trop élevée ou que la gravité est très élevée. Mm-hmm. Donc, les molécules doivent être en quelque sorte comme gardées au sol, entre guillemets. Sinon, elles vont s'échapper comme une fusée s'échappe de la Terre si on y met assez d'énergie. Donc, si la gravité est trop faible, vous n'aurez pas de rétention. Vous n'aurez pas aucun de ces gaz, à moins qu'ils soient retenus à l'intérieur, mais vous ne les aurez pas comme volatiles sur la surface ou dans une atmosphère. Les deux cas les plus flagrants, celui qu'on connaît bien, la Lune. La Lune a une masse 80 fois plus petite que la Terre, et sa gravité est juste un sixième de celle de la Terre. Donc, elle a tout perdu, la Lune. Et Mercure, qui est proche du Soleil, qui est un petit peu plus grosse que la Lune, donc n'est pas aidée par sa distance. Donc, Mercure est proche du Soleil. Donc, de sorte que la température sur Mercure, elle monte à peu près à 400 quelques degrés, mais il y a des disparités énormes entre les pôles et l'équateur, tout comme la Lune, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour mélanger tout ça et garder une température plus ou moins uniforme à l'échelle de la planète. Donc, Mercure n'a aucune atmosphère? Mercure n'a aucune atmosphère. Aucune. Il y a probablement certains des composés volatiles, comme l'eau, qui sont, et on pense qu'il y a des glaces sur Mercure, dans le fond des cratères qui ne sont jamais éclairés par le Soleil, où la température peut descendre peut-être à moins 100 degrés. Et c'est simplement c'est de l'eau originale ou qui a été acquise par des comètes qui se sont écrasées sur Mercure. Mais ces glaces, si elles existent vraiment, sont en quantité minime. Et on a le même phénomène probablement sur la Lune, dans les régions polaires où il y a des cratères, à cause de leurs murs élevés, ne reçoivent jamais de rayonnement solaire. Donc, il peut y avoir encore, sous un couvert de poussière lunaire qu'on appelle la régolithe, il peut y avoir en sous-sol présence de glace. Mais il faut nullement en exagérer la quantité. Et est-ce que cette vitesse d'échappement dépend de la masse des gaz? Par exemple, si on observait de l'hélium et du radon sur une planète, est-ce que l'hélium aurait tendance à s'échapper plus rapidement? Oui, qu'un radon? À une température donnée, la vitesse d'une molécule va être d'autant plus grande que sa masse est faible. Donc, c'est une belle comparaison que vous suggérez. Le radon est très lourd et le radon va avoir tendance à coller au sol. Et l'hélium, il est le premier à partir. Donc, l'hélium est un cas intéressant. En fait, toutes les planètes perdent l'hélium qui est généré à l'intérieur par des désintégrations radioactives. Donc, l'hélium qu'on a sur Terre, même si la majeure partie de l'hélium dans l'univers était produit dans le Big Bang, mais celui qu'il y avait au début, il est tout parti, un peu comme l'eau originale qu'il y a pu avoir quand notre partie du système solaire s'est formée, a été en quelque sorte perdue par le chauffage et par différents processus. Mais revenir au point ici, plus une molécule est légère, entre guillemets, plus son poids atomique est faible, plus sa vitesse à une température donnée va être relativement élevée et plus il va être facile de perdre cette molécule. Donc, le radon, en fait, il reste sur Terre, il reste dans l'atmosphère quand il s'échappe. Donc, mais l'hélium est parti, l'hydrogène est parti. Oui, parce qu'ils ont dépassé la vitesse d'échappement, c'est ça? Absolument, très rapidement. Et fait, il y a que quand on atteint Jupiter, qui est à 500 millions de kilomètres du Soleil, nous, on est à 150, qui, d'abord, il fait beaucoup plus froid. Ou à la distance de Jupiter, la température moyenne est à peu près de moins 150 Celsius. Là. Donc, et là, non seulement vous avez une température plus basse, donc la vitesse des molécules, vitesse moyenne, est beaucoup plus faible, mais vous avez une masse énorme. Donc, Jupiter, Saturne et toutes les planètes plus lointaines ont gardé leur hydrogène original et leur hélium. D'ailleurs, ces planètes sont dominées en composition par ces deux éléments. Ils sont à peu près semblables au Soleil à ce niveau-là. Donc, ils ont possiblement certains cycles comme tels, là, surtout des composés qui peuvent impliquer l'oxygène. Donc, il y a de l'eau dans l'atmosphère de Mars. Mais ce sont des corps assez spéciaux. Les corps intéressants, ce sera des petites lunes autour de ces objets qui, elles, ont tout perdu, les légers, mais vont pouvoir garder les machins qu'on connaît bien, l'eau, H2O, le CO2, le méthane et l'ammoniac. Et il sera sous forme solide et en profondeur avec certains phénomènes qui se passent dans leur intérieur. Ils peuvent être sous forme liquide. Et justement, on en parlait de forme liquide. Il existe une zone autour du Soleil qu'on appelle le cercle de glace. Est-ce que vous pourriez nous parler de qu'est-ce que c'est? C'est intéressant. C'est un concept qu'on a émis pour essayer de comprendre ce qui se produirait pour des systèmes d'exoplanètes. C'est-à-dire, dans quelle région, pour une étoile donnée, dépendant de sa température, de sa luminosité, jusqu'à quelle distance on pourrait retrouver de l'eau liquide? Pas nécessairement l'eau sous forme complètement liquide, comme sur Terre, on a de l'eau sous plusieurs formes, même si la majeure partie est sous forme liquide dans nos océans. Mais on peut avoir de l'eau liquide possiblement dans des conditions modérées, comme sur Mars, la température la plus élevée atteint 20 degrés Celsius. Mais c'est des zones assez rares et il faut que ce soit l'été. Donc, Mars est toujours dans cette zone suffisamment proche du Soleil pour que l'eau, H2O, soit sous forme liquide. Et on calcule qu'à ce moment-ci de l'évolution du système solaire, cette ligne, entre guillemets, cette circonférence qui délimite là où on passe de l'eau et vers l'extérieur à l'eau qui est essentiellement glacée, est quelque part au milieu de ce qu'on appelle la grande ceinture d'astéroïdes. De sorte que les astéroïdes plus intérieurs ont peu de chance ou auront peu de composés de glace parce qu'ils vont finalement se sublimer, tandis que les astéroïdes plus externes, et entre autres le plus gros des astéroïdes du système solaire, Cérès, est probablement avec une composition importante en glace. Donc, et au-delà, l'eau, entre autres sur les lunes de Jupiter et de Saturne, il pourrait y avoir de l'eau. On connaît Encélade, on connaît Europe, on connaît Ganymède. Et la présence de glace d'eau est très importante, même s'il y a aussi des glaces de gaz carbonique et possiblement des glaces de méthane sur ces lunes. Certainement, quand on arrive à Saturne, qui est beaucoup plus loin, et où la température chute encore, Jupiter, dans ce régime de Jupiter, on est à peu près à moins 150. Quand on arrive à Saturne et à sa grosse lune Titan, on est à peu près à moins 180. Donc, je vous envoie des chiffres ici, là. C'est quand même des températures un petit peu difficiles à imaginer. Mais c'est froid. Mais le fait que des composés comme le CO2 et comme l'ammoniac et comme le méthane vont être sous forme de glace ou sous forme de neige, ça nous montre qu'il fait froid. Oui, effectivement. Mais à l'intérieur du cercle de glace, comme sur la Terre, par exemple, il y a de l'eau. Sur Vénus, est-ce qu'il y a de l'eau encore? Ou... Non, il n'y a plus d'eau. Tout okay. est parti. L'eau, Vénus a peut-être eu de l'eau initialement, mm-hmm. acquise par des impacts de météorites et de comètes, mais il a fait trop chaud. L'eau s'est évaporée et l'eau est montée à haute altitude. Et ce qui se produit, quand l'eau, sous forme de vapeur, l'eau monte à haute altitude, elle est frappée par les rayons ultraviolets du soleil qui, finalement, la décompose en ses atomes originaux. Donc, décompose l'eau à haute altitude en oxygène et en hydrogène. Okay. Et l'hydrogène, lui, est tout léger, il part, et l'oxygène reste dans l'atmosphère et, en fait, se mêle aux roches et va produire de l'oxydation des différents matériaux qu'on a sur Terre. Donc, Vénus, elle, a tout évaporé son eau il y a probablement assez longtemps. Et il n'y a jamais eu... Donc, c'est un indice comme quoi l'eau ne vient pas de l'intérieur, ou vient très peu de l'intérieur de planètes terrestres comme la Terre et Vénus. L'eau qu'on a sur Terre, elle a été acquise. Mais le sort que Vénus a subi, est-ce qu'on n'est pas susceptible sur la Terre de subir le même sort? C'est-à-dire que toute l'eau s'évapore éventuellement? Oui, mais ça va arriver probablement dans beaucoup de temps. Entre-temps, c'est nous qui serons peut-être la source du problème. On va réchauffer l'atmosphère en injectant beaucoup de CO2. Mais rappelez-vous une chose, quand on vous donne les valeurs de teneur en CO2, remarquez les chiffres. On est à peu près à 400 parties par million. Oui, des ppm. Et c'est minime. Oui, c'est 0,04%. Oui. Alors que l'azote est 74% de l'atmosphère et à peu près 26%. Effectivement. Donc, la vapeur d'eau, CO2 est sournois, est très sournois. Il n'en faut qu'une quantité infime pour avoir un effet dramatique sur l'équilibre thermique de l'atmosphère terrestre. Donc, on est passé à une période où la teneur en CO2 était de 280 particules par million. Avant la période pré-industrielle. À peu près, oui, longtemps avant la période, donc une longue, longue période. Et là, tout d'un coup, depuis 150 ans, on a fait monter ça à 400 quelque chose. Donc, c'est comme si vous aviez doublé, c'est plus que ça, parce que l'effet est absolument dramatique, vous avez quadruplé, quintuplé l'isolation de votre maison pour la rendre plus fermée, entre guillemets. Mais ces molécules, en fait, sont un peu tous semblables. Et on le sait, on entend parler, le méthane joue ce rôle à très, très petite quantité d'un isolant à cause de la manière dont ces molécules, surtout le méthane et le CO2, interagissent avec la radiation. Elles laissent passer la lumière visible et bloquent complètement le rayonnement infrarouge émis par le sol. Donc, on a, en fait, dans d'autres planètes, il y a certains effets comme celui-là, mais ils sont minimes. Par exemple, même si Mars a une teneur en CO2 dominante dans son atmosphère, il n'y a pas d'effet de serre considérable. Il y a un équilibre qui s'atteint. Uh-huh. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, Mars ne peut pas accumuler trop de CO2 dans l'atmosphère parce qu'il fait froid. S'il y en a trop, il va se condenser et faire de la neige et faire de la glace. Okay. Tandis que nous, sur Terre, on n'a pas ce privilège. On l'a avec l'eau. L'eau nous fait ce cycle hydrologique. Quand il y en a trop, elle se condense. Il pleut ou il neige. Mais le CO2, lui, il ne fait pas ça. Il monte et il entre, et il ne sature pas. Et il faut avoir attendre une durée d'à peu près 70 millions d'années, 80 millions d'années, pour que le CO2 qui s'est injecté dans l'atmosphère soit recyclé par dissolution dans les océans, où il est capté par des micro-organismes qui meurent pour former des calcaires dans les fonds marins. Et ces fonds marins descendent sous les continents grâce à la tectonique des plaques. Donc, c'est la tectonique des plaques qui nous donne le cycle de CO2. Donc, quand on éjecte du CO2 dans l'atmosphère, donc quand on fait rouler sa voiture, qu'on se promène sur la route, on émet du CO2 et il va être dans l'atmosphère pendant 70 millions d'années. Pensez à ça. Uh-huh. Et vous disiez qu'il y a des flocons de CO2 sur Mars, on n'a pas le problème. Mars, quand la teneur en CO2, elle est toujours élevée, quand elle atteint un niveau trop élevé, ça se condense. Uh-huh. Comme ici, quand ça devient trop humide, il se met à pleuvoir. Effectivement. Mais donc, ça doit être quand même particulier, des flocons de CO2. C'est une molécule non polaire. En fait, j'imagine que ça doit faire des flocons particuliers. Ça. Oui, ça doit faire des flocons particuliers. En fait, ça doit faire des micro-flocons parce que tout se fait et se condense pour former des glaces. Et les calottes polaires de Mars sont relativement impressionnantes. Vous pouvez aller voir sur Internet, faites calottes polaires de Mars, vous allez voir qu'elles couvrent une assez grande surface à chaque saison. Et rappelez-vous, les saisons sont deux fois plus longues que sur Terre et vous avez alternance assez dramatique entre le nord et le sud. En fait, contrairement à la Terre, ici où on garde les deux calottes polaires, même en été, sur Mars, les calottes, alternativement d'une saison à l'autre, vont disparaître pour se reformer à l'hiver suivant. Donc, le cycle est très, très rapide, il est très intense. Donc, mais c'est un cycle météorologique semblable à celui de la Terre qu'on a avec l'eau. Et il y a un autre objet dans le système solaire qui est intéressant, point de vue cycle météorologique, c'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Et c'est le seul satellite d'une planète qui a une atmosphère. Atmosphère est dominée par le méthane. Okay. Et là, vous avez un cycle de méthane. Comme l'eau sur la Terre, comme le CO2 sur Mars. Donc, vous avez des geysers, vous avez une sorte de cryovolcanisme où le méthane sort de l'intérieur, forme des geysers, forme des éruptions, des volcans de méthane, et ce méthane est sous forme gazeuse et va se condenser dans l'atmosphère et il va, en fait, neiger et il va se former des blocs de méthane. Et c'est un cycle un peu continu, tout comme, par exemple, le CO2 sur Terre va rester dans l'atmosphère sur une période d'à peu près 70 millions d'années. Sur Titan, le Titan a finalement une durée assez longue quand même de 20 millions d'années. Donc, chaque objet est un peu particulier. On pense qu'il y a des phénomènes un peu semblables sur Pluton, dont on a découvert la surface et l'atmosphère et étudié en détail lors du passage de New Horizons en 2015. Donc, Pluton a probablement un mélange de tout. Cette planète mineure, qui est assez extraordinaire, a autant des émissions d'eau qui ressortent, des déversements d'eau qui viennent de l'intérieur de Vénus, donc qui forment probablement rapidement des neiges, mais il fait tellement froid à Pluton. Donc, Pluton, on parle de températures les plus froides du système solaire, de l'ordre de moins 220 degrés Celsius. Mais il y a ces cycles aussi qui impliquent là à peu près les trois principaux volatiles qu'on connaît autour de nous, l'eau, le CO2 et le méthane. Donc, qui produisent des... Et il y a aussi sur Pluton certains oxydes d'azote qui vont former des glaces. Donc, ça aussi, c'est encore plus fascinant. Donc, ce sont des endroits où vous pourriez toujours, en fait, pelleter de la neige, mais elle aurait une nature assez différente de celle qu'on a ici. Dans certains cas, probablement pas tellement plus lourde, mais les glaces seraient extrêmement dures parce que plus il fait froid, plus c'est dur. En fait, quand on parle de la surface de Titan, par exemple, où on a des glaces de méthane, la dureté de ces glaces est équivalente à celle de la dureté de l'acier. Donc, c'est quelque chose. Jean-René, le temps file et une dernière question. En fait, l'eau sur Terre, d'où vient-elle? L'eau sur Terre, elle était acquise. La région interne du système solaire a perdu tous ses éléments volatiles, comme ceux qu'on mentionne depuis le début, et la plupart ont été acquis en une minime fraction par volcanisme intérieur, mais surtout par des impacts d'objets qui viennent de l'extérieur du système solaire et qui, eux, ont gardé leur glace. Okay. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ce qu'on a appelé le cercle de glace, là, à peu près de Mercure jusqu'au milieu de la ceinture, quand il y a de l'eau, c'est des trucs qui ont été acquis ou des corps qui ont migré de l'extérieur, qui sont placés dans la ceinture d'astéroïdes, qui ont encore des glaces. Et ceux-ci, par perturbation orbitale, causée surtout par Jupiter, viennent nous tomber dessus. Et il y en avait une grande quantité au début du système solaire. C'est là qu'on a réacquis de l'eau. Et la Terre n'a pas beaucoup d'eau, contrairement à ce qu'on pense. Mais tous ces composés-là dont on parle, là, l'eau, le CO2, l'ammoniac et le méthane, ont été formés dans les nuages interstellaires qui ont, eux, formé le le grand nuage qui a donné lieu à la formation probablement de quelques étoiles, peut-être plusieurs étoiles, dont le Soleil et des planètes du système solaire. Donc, tous ces composés, incluant l'eau que vous prenez dans votre verre, que vous allez boire ce soir, pensez que cette eau-là, elle est très, très vieille. Elle a probablement 4 milliards et demi passés d'années, peut-être 5 milliards d'années. Vous buvez de l'eau interstellaire et non pas de l'eau d'une compagnie dont vous aimez l'eau embouteillée. Donc, elle a beaucoup voyagé. Alors, merci beaucoup, Jean-René Roy. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Et quand vous allez pelleter, pensez à tout ça. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Alors, je rappelle que nos auditeurs que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Au revoir. Plaisir.